أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد الطاهر الأمين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degré le plus complet et le plus parfait soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah d'avoir l'intention sincère par recherche de son agrément. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc nous allons parler du début de la création avec quelques détails. Bad'ul khalqi. اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي، وهو الأول أي الأزلي الذي لا بداية لوجوده. Donc, début de la création, sache que Allah nous guide ainsi que toi-même, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde, que ce soit la partie terrestre ou la partie céleste, et Al-Arsh et Al-Kursi. Et il est Al-Awwal, c'est-à-dire celui qui est éternel, exempt de début, qui n'a pas de début à son existence. كان في الأزل وحده ولم يكن شيء من العوالم الكثيفة كالعرش والشمس والقمر والإنسان ولا من العوالم اللطيفة كالنور والظلام والأرواح فهو موجود لا كالموجودات ليس كخلقه حجما لطيفا ولا حجما كثيفا لقوله تعالى ليس كمثله شيء. Donc Allah existe de toute éternité, unique, et il n'y a pas autre que lui parmi les corps qui soient palpables, comme le trône, le soleil, la lune, les humains, ni les corps impalpables tels que la lumière, l'obscurité, les âmes. Ainsi, il existe, il ne ressemble pas aux choses qui existent. Ce n'est pas un corps palpable, ni un corps impalpable. Pour preuve, sa parole Ta'ala, laïsa kamithlihi shay, qui signifie rien n'est tel que lui. Surat Ash-Shura, ayah 11. وذلك لأنه لو كان جسما كثيفا لكان له أمثال ولو كان جسما لطيفا لكان له أمثال. Ainsi, s'il était un corps palpable ou impalpable, il aurait eu des semblables. وقد دلت هذه الآية على ذلك وعلى أنه لا يتصف بصفات العالمين كالحركة والسكون والتحول من حال إلى حال والتحيز في جهة أو مكان والجلوس والاستقرار في جهة، وذلك لأن الجلوس صفة مشتركة بين الإنسان والملائكة والجن والطيور. Donc cette آية honorée ليس كمثله شيء indique que Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures et qu'il n'est pas attribué des attributs des créatures, des attributs des corps tels que le mouvement, l'immobilité, le changement d'un état à un autre, la localisation dans une direction ou un endroit, ou de la position assise ou de l'établissement. Tout ceci est impossible s'agissant d'Allah. Ainsi, la position assise est un attribut auquel sont associés les humains, les anges, les djinns, les oiseaux. Et Allah est exempt de cela. فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَوْجُودُ الْأَزَلِيُّ الَّذِي لَا ابْتِدَاءَ لِوُجُودِهِ. Ainsi, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Il est celui qui est éternel, exempt de début, qui n'a pas de début à son existence, et tout ce qui est hormis lui est créé. وَمَا سِوَاهُ حَادِثٌ مَخْلُوقٌ خَلَقَهُ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ فَأَبْرَزَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ. Donc, tout ce qui est hormis Allah est créé, c'est Allah qui l'a créé par sa toute-puissance, qui l'a fait passer du néant à l'existence. Allah tabaraka wa ta'ala, قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie Allah est le créateur de toutes choses. Et nous rappelons que créer ici, c'est faire passer du néant à l'existence. Et ceci est spécifique à Dieu. وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Et il dit aussi, donc sourate al-Furqan, qui signifie il a créé toute chose, donc il a prédestiné toute chose. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Donc Allah Ta'ala dit aussi ce qui signifie la louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'obscurité et la lumière. Surat Al-An'am, ayah 1. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala akhbara fi hadhihi al-ayati بأنه لم يكن في الأزل نور ولا ظلام فوجب الإيمان بأنه مضى وقت لم يكن فيه نور ولا ظلام فيجب الإيمان بذلك مع أن وهم الإنسان لا يستطيع أن يتصوره فكيف يستطيع أن يتصور الله. Donc ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans cette ayah. Donc, Sourate Al-An'am, ayah 1, qui signifie « La louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'obscurité et la lumière. » Donc, il nous a informé que de toute éternité, il n'y avait pas d'obscurité ni de lumière. Donc, il est obligatoire de croire qu'il est passé un temps où il n'y avait ni lumière ni obscurité. Donc il est un devoir de croire en cela, bien que la pensée de l'être humain ne peut pas imaginer cela. Donc à plus forte raison, la pensée de l'être humain ne peut pas atteindre Allah le Créateur. فَالْعَقْلُ الَّذِي يَعْجِزُ عَنْ أَنْ يَتَصَوَّرَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَوَّرَ الْخَالِقَ فهو كما قال أئمة الهدى مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك قال ذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام ذنون المصري والشافعي وغيرهم. Ainsi, la raison qui est incapable d'imaginer certaines créatures, comment peut-elle imaginer le Créateur? Ceci est impossible. Il en est, comme l'ont dit les imams de bonne guidée, les savants de bonne guidée, مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Cela a été dit par l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Dhunnun al-Masri, al-Shafi'i et d'autres que أما الماء والعرش فهما أول خلق الله. Quant à l'eau et au trône, ce sont les premières des créatures. Et nous allons voir des détails sur cela, inshallah. وأولهما وجودا الماء. Et le premier des deux, donc, c'est l'eau. فهو أصل لغيره من المخلوقات. Donc l'eau est l'origine des autres créatures. Wallahu ta'ala khalaqahu bi qudratihi min ghayri aslin. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé par sa toute-puissance sans origine. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, il fait passer les créatures du néant à l'existence. فَبِدَايَةُ الْعَالَمِ إِذَنْ مِنْ غَيْرِ مَادَّةٍ وَلَا يُحِيلُ الْعَقْلُ السَّلِيمُ ذَلِكَ. Ainsi, donc, l'origine du monde est sans matière. Dieu a créé, donc, l'eau, donc, l'a fait passer du néant à l'existence. Et ceci, donc, est valable selon la raison saine. والدليل الشرعي الذي استند إليه العلماء في أن أصل العالم هو الماء وهو أول المخلوقات خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي رواه ابن حبان وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء. Et la preuve, selon la loi de l'islam, la preuve sur laquelle se sont appuyés les savants, sur le fait que l'origine du monde, c'est l'eau, et qu'elle est la première des créatures, l'information du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est véridique, et celui qui est véridique, qui dit vrai, donc, ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et Ibn Majah d'après le hadith de Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu shay'in khuliqa min al-ma', c'est-à-dire toute chose a été créée à partir de l'eau. Donc, hadith rapporté par Ibn Majah Ibn Hibban, d'après le compagnon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu shay'in khuliqa min al-ma', donc qui signifie toute chose a été créée à partir de l'eau. ولفظ ابن حبان أن أبا هريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء وفي لفظ كل شيء خلق من الماء. Et les termes de Ibn Hibban, la version d'Ibn Hibban, que Abu Huraira a dit, ce qui signifie Donc j'ai dit, ô messager de Allah, quand je te vois, mon âme est apaisée et mon œil se réjouit. Donc informe-moi sur toute chose, c'est-à-dire sur le début de la création. Il a dit, Inna Allah ta'ala khalaqa kulla shay'in min al-ma'. Donc le prophète والسلام, a dit ce qui signifie « Certes, Allah Ta'ala a créé toute chose à partir de l'eau. » Et dans une version, toute chose, et dans une autre version, « Kullu shay'in khuliqa min al-ma' » toute chose a été créée à partir de l'eau. « Wa rawa as-Suddiyyu bi asanida muta'addidatin » عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء Donc, As-Suddi a rapporté par plusieurs chaînes de transmission d'après un groupe de compagnons que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah lam yakhluq shay'an mimma khalaqa qabla al-ma' qui signifie certes Allah n'a pas créé parmi ce qu'il a créé de créatures avant l'eau. Donc certes, Allah n'a pas créé de créatures avant l'eau. فتبين بذلك أن الماء هو أصل جميع المخلوقات وهو أول الخلق فمن الماء خلق الله العالم. Donc ceci montre que l'eau est l'origine de toutes les créatures et c'est la première des créatures. Donc à partir de l'eau, Allah a créé le monde. وثاني المخلوقات بعد الماء العرش وهو أكبر الأجرام التي خلقها الله تعالى ثم خلق الله القلم الأعلى ثم اللوح المحفوظ. Donc la deuxième des créatures après l'eau, c'est le trône. Et c'est le plus grand corps que Allah a créé. Ensuite, Allah a créé Al-Qalam Al-A'la, le Qalam élevé. Ensuite, Al-Lawh Al-Mahfouz, la table préservée. والذي يدل على أولية هذه المخلوقات الأربعة ما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي من حديث عمران بن الحصين قال أتى أناس من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وفي رواية البيهقي من طريق أبي معاوية كان الله قبل كل شيء. Et ce qui indique la primauté de ces quatre créatures, c'est les premières des créatures, à savoir l'eau, le trône, Al-Qalam et la table préservée. Ce qu'a rapporté Al-Bukhari et Ibn al-Jaroud et Al-Bayhaqi d'après le hadith de Imran Ibn al-Husayn. Il a dit, des gens sont venus du Yémen au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager de Allah, nous sommes venus à toi pour nous instruire dans la religion. Donc apprends-nous comment a eu lieu le début de ce monde, quelle est la première des créatures. Il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Qui signifie, donc, Dieu existe de toute éternité, et il n'y a pas d'autre que lui qui existe de toute éternité. Seul Dieu n'a pas de début à son existence. Et son trône était sur l'eau, et il a fait écrire dans la table préservée toutes choses. Ensuite, il a créé les cieux et la terre. Et dans une version de Al-Bayhaqi, d'après Abu Muawiya, كان الله قبل كل شيء. C'est-à-dire, Dieu existe avant toute chose. Dieu existe et il n'y a pas d'autre que lui qui existe donc de toute éternité. Seul Dieu n'a pas de début à son existence. فهذا الوفد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا الأمر أي عن أول العالم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالأهم أي بأهم مما سألوا وهو أنه أثبت الأزلية لله وحده ثم أجابهم عن سؤالهم وهو أول العالم وبدء الخلق. Donc ce groupe de gens ont interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du début de la création, du début de ce monde. Le messager, alayhi salam, leur a répondu par ce qui est prioritaire, par ce qui est plus important. plus important que ce qui est de ce qu'ils plus important que ce qu'ils ont demandé. Et c'est le fait qu'il a confirmé l'exemption de début pour Allah seulement. Ensuite, il aura répondu à leur question, qui est le début de ce monde. Et la chose importante qu'il leur a dit, كان الله ولم يكن شيء غيره. C'est-à-dire, Dieu existe de toute éternité, et il n'y a pas d'autre que lui qui existe de toute éternité. والأمر الأهم هو قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره أي كان الله في الأزل موجودا وليس معه غيره فأفادهم عليه الصلاة والسلام أن الأزلية المطلقة ليست إلا لله الخالق وأن الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله سبحانه وتعالى فقط لا يشاركه في هذه الصفة شيء غيره من المخلوقات. Donc la chose importante, c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, كان الله ولم يكن شيء غيره. C'est-à-dire, Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. C'est-à-dire que Dieu existe, il n'y a pas autre que lui qui existe de toute éternité. Donc, il leur a profité, le prophète, alayhissalam, que l'exemption de début est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur. Et celui qui existe et qui n'a pas de début à son existence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Nul n'est associé à Dieu dans son attribut. Donc, et il y a l'exemple aussi, donc nous verrons ultérieurement, inshallah, dans l'histoire du prophète Youssef, où lui aussi, donc on cite brièvement que lui aussi, à un moment, des gens lui posent la question, une question sur l'interprétation d'un rêve pour chacun. Ont vu un rêve, ils lui posent la question. Ils ont su qu'il savait interpréter les rêves. Eux, ils ont posé une question sur l'interprétation des rêves et le prophète Youssef en a profité pour leur informer de ce qui est plus important. Il leur a expliqué que la voie de la sauvegarde, la voie de la vérité, c'est que d'adorer Dieu l'unique et qui n'a pas d'associé et que c'est sa croyance et la croyance de ses parents, ses ancêtres, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, rappelant cela que tous les prophètes, bien sûr, ont appelé à l'islam, qui est l'unique religion valable et l'unique religion céleste, donc du premier Adam au dernier Muhammad. Tous ils ont enseigné la religion de l'islam. Donc c'était un autre exemple avec le prophète Youssef alayhi salam. فَالْأُلُوهِيَّةُ لَا تَصِحُّ مَعَ إِثْبَاتِ شَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ. Donc, la divinité n'est pas valable en confirmant un être exempt des débuts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, seul Allah n'a pas de début à son existence et nul n'est associé à Dieu. Rappelons bien sûr que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Tous ils ont enseigné cette religion-là, qui est l'unique religion valable et l'unique religion céleste. فَالْأُلُوهِيَّةُ لَا تَصِحُّ مَعَ إِثْبَاتِ شَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ. Donc la divinité n'est pas valable en confirmant un être exempt de début avec Allah. Donc seul Dieu n'a pas de début à son existence. Seul Dieu existe de toute éternité. وقد أثبت الله في القرآن الأزلية له وحده ليفهمنا أن هذا العالم كله مخلوق خلقه من العدم إلى الوجود. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورة الحديد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé dans le Coran l'exemption de début à lui seul, pour nous faire comprendre que tout ce monde est créé, que c'est Allah qui l'a créé, qui l'a fait passer du néant à l'existence. Allah ta'ala dit: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم, qui signifie il est l'awwal, l'akhir, l'awwal, il est celui qui est exempt de début, l'akhir était exempt de fin, al-zahir, al-batin, wa huwa bi kulli shay'in 'alim, et il sait toute chose. Donc al-zahir, c'est parmi les noms de Allah, ça veut dire celui qui domine toute chose par sa puissance. Donc une des interprétations des savants, c'est celui qui domine toute chose par sa puissance. Et une deuxième interprétation pour le nom de Allah al-Zahir, c'est celui dont toutes les créatures, c'est-à-dire al-Zahir ici veut dire que toutes les créatures sont une preuve de l'existence de Dieu. Et al-Batin aussi, deux interprétations, celui qui n'est pas atteint par les imaginations, comme on a vu la parole tout à l'heure, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Et d'autres ont dit Al-Batin, ça veut dire celui qui sait la réalité des choses. Wal-awwalu idha utliqa 'ala Allah ma'nahu alladhi la bidayata li wujudihi. Et Al-awwal, quand on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire celui qui n'a pas de début à son existence. Donc seul Dieu n'a pas de début à son existence. وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة على تكفير الذين قالوا بأزلية العالم كابن سينا والفارابي ومن تبعهم. Donc les savants de l'islam sont unanimes à déclarer mécréants ceux qui disent que ce monde est éternel exempt des débuts, comme Ibn Sina et Al-Farabi, et ceux qui les ont suivis. Donc des gens qui ont suivi, ils ont pratiqué la philosophie, ils sont égarés. Comme Ibn Sina et Al-Farabi, qui ont dit que ce monde n'a pas de début en suivant les philosophes. Et ceci est de la mécréance, car seul Dieu n'a pas de début à son existence, et c'est lui qui a créé ce monde. Donc tout ce monde a un début, et seul Dieu n'a pas de début à son existence. وسواء في الكفر الذين قالوا إن العالم قديم أزلي بجنسه ونوعه حادث مخلوق بأفراده, والذين قالوا إن العالم قديم أزلي بمادته وصورته أي تركيبه, فكلا الفريقين كفار. Donc, ils sont, c'est-à-dire la mécréance est confirmée pour ceux qui disent. Donc, car certains groupes ont dit le monde est éternel, exempt des débuts par son genre, mais entré en existence par sa composition. Ceci est de la mécréance. Et ceux qui disent que le monde est éternel, exempt des débuts par son genre et sa composition. Donc, les deux groupes sont mécréants, car seul Dieu n'a pas de début à son existence. Ce monde, que ce soit sa composition, que ce soit son genre, tout ceci est créé par Dieu. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون أي خلق أجسامكم وصفاتكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit والله خلقكم وما تعملون, qui signifie certes Allah vous a créé et ce que vous faites. Donc c'est-à-dire a créé votre corps, que ce soit le corps palpable qui est apparent, ou le corps impalpable qui est à l'intérieur, qui est l'âme, et les caractéristiques, la pensée, le goût, l'odeur, le sentiment, le mouvement, l'immobilité, tout ceci est créé par Dieu. وممن نقل الإجماع على تكفيرهم الإمام الفقيه المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي في كتاب تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع. فقال بعد أن ذكر كلام الفريقين وضللهم المسلمون وكفروهم. Donc parmi les savants qui ont rapporté l'unanimité de la déclaration de mécréance de ces deux groupes de gens qui disent, certains qui disent que le monde n'a pas de début par son genre et que la composition est entrée en existence, ceci est de la mécréance, donc c'est une stupidité, et ceux qui disent que le monde est, est éternel, exempt de début par son genre et sa composition, donc cela aussi est de la mécréance. Donc parmi les savants qui ont rapporté l'unanimité des savants que cela est de la mécréance, l'imam al-Faqih, donc spécialiste de la jurisprudence, spécialiste du hadith, muhaddith, usuli, spécialiste du fondement de la religion, Badruddin al-Zarkashi. Dans son livre « Tashnif al-Masami' bi-sharhi jam' al-jawami' » Donc il a dit, après avoir mentionné les deux groupes de d'idées, en fait, de philosophes, « وَضَلَّلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَكَفَّرُوهُمْ » C'est-à-dire, les musulmans les ont déclarés égarés et mécréants. « وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ وَالْحَافِظُ اللُّغَوِيُّ تَقِيُّ الدِّينَ السُّبْكِيَ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضُ الْمَالِكِيُّ وَالْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِي شارح صحيح البخاري وغيرهم. Et parmi ceux qui ont mentionné textuellement que ces groupes de gens sont mécréants, c'est-à-dire ceux qui disent que ce monde n'a pas de début, car on le rappelle, seul Dieu n'a pas de début à son existence, c'est Dieu qui a créé ce monde. Donc, ce monde a un début. Donc, parmi ceux qui ont mentionné textuellement la déclaration de mécréance de ces gens-là, l'imam al-Mujtahid, et Al-Hafid, spécialiste de la mémorisation du hadith, des sciences de du hadith, spécialiste de la langue, Al-Lughawi, Taqi al-Din al-Subki, qui est un grand savant Shafi'i. Et Al-Qadi Iyad al-Maliki, le grand juge Al-Qadi Iyad Maliki, et Al-Hafid, le grand spécialiste savant de la science du hadith, Ibn Hajar al-Asqalani, qui a fait le commentaire du Sahih al-Bukhari et autres que ces savants. Donc là, on va citer une chose importante aussi sur l'interprétation d'un hadith. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فالمراد به الأولية النسبية أي هو أول بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش. Donc quant au hadith rapporté par l'imam Ahmad et al-Tirmidhi, d'après le hadith de Ubad ibn Samit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » Donc le hadith ici, donc littéralement ça donnerait en premier ce que Dieu a créé, c'est al-qalam, ensuite il a ordonné d'écrire et il a écrit donc en fait sur la table préservée tout ce qui va avoir lieu jusqu'au jour dernier. Donc en premier ici ça veut dire awwal, ça veut dire une primauté relative, c'est-à-dire en premier relativement à autre que l'eau et le trône. C'est cela, cette interprétation est nécessaire ainsi à cause du hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, qu'on va citer. Et là, nous voyons que ce ta'wil hadith Muslim fi Sahihih, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرش على الماء. فقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير. Donc comme on a dit, ce hadith rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi vise en fait quand en premier a été créé al-qalam, c'est-à-dire par rapport à autre que l'eau et le trône. Et L'eau et le trône sont les premières des créatures. Ainsi, Muslim a rapporté dans son Sahih que Allah, qui signifie, donc le hadith, Allah a fait écrire donc, ce qui est prédestiné pour les créatures avant qu'il crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Et son trône est sur l'eau. Donc ça veut dire que l'eau et le trône existent avant donc Al-Qalam. Et puis Allah a ordonné à Al-Qalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui va avoir lieu jusqu'à la fin du monde. Et 50 000 ans après cela ont été créés les cieux et la terre en fait. Et on rappelle bien sûr que le trône, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Dieu existe avant les créatures, sans les créatures. Et après leur existence, il ne change pas. Et nous rappelons, pour que ce soit mémorisé, la parole de Sayyidina, notre maître Ali. Inna Allah khalaqa al-arsh izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makana li dhatihi. Certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Donc attribuer à Dieu la localisation, l'endroit, l'établissement, le changement et de la mécréance. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi qala: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Donc l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui est un grand savant de l'islam, né en 227 de l'Hégire, a dit, ce qui signifie, celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Et la personne qui tombe dans la mécréance ne revient à l'islam, comme on le sait, qu'en prononçant les deux témoignages en délaissant la mécréance. Les deux témoignages, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. وبما تقدم من النقل الصحيح يعلم بطلان قولي إن النور المحمدي هو أول خلق الله والاستدلال لذلك بحديث أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر خلقه الله من نور قبل الأشياء باطل لأنه حديث موضوع على رسول الله كما قال السيوطي في شرح الترمذي وغيره وهو جدير بكونه موضوعا. Donc, étant donné les preuves confirmées qui ont été citées, donc cela montre et indique clairement que la première des créatures c'est l'eau, donc et la deuxième c'est le trône. Et c'est faux là aussi ce que disent certains que la lumière de Muhammad c'est la première des créatures. Donc il se base sur un hadith qui est un faux hadith, qui est infondé. Donc, on a vu le hadith confirmer que Dieu n'a pas de créé de créature avant l'eau. Et le hadith Kullu shay'in khuliqa min al-ma, toute chose a été créée à partir de l'eau. Donc, ce hadith sur lequel ils se basent, eux, en prétendant que la première des créatures, c'est la lumière de Muhammad, est fausse, comme cela a été dit par As-Suyuti dans Sharh al-Tirmidhi et autres. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est contraire en fait au Coran et au Hadith. Donc, et ceci donc montre qu'il n'est pas fondé, qu'il est infondé, qu'il est mensonger. إذن هذا الذي يعتمدون عليه يخالف القرآن والحديث فهو موضوع. وأما حديث أول ما خلق الله العقل فليس ثابت كما ذكر الحافظ العراقي وغيره. Là aussi, il y a des gens qui prétendent que le prophète aurait dit que la première ce que Dieu a créé, c'est la raison. Ceci n'est pas confirmé, il est non fondé comme cela a été mentionné par al-Hafiz al-Iraqi. Hafiz, c'est un savant de hadith, donc al-Iraqi très connu. Donc il a un livre qui s'appelle Al-Fiyya, c'est-à-dire il y a 1000 vers pour, dans le sens du hadith. Donc il a indiqué que ce hadith n'est pas fondé, donc on a confirmé avec le hadith. Dans le Coran aussi, Allah dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. C'est-à-dire, Allah a créé à partir de l'eau toute chose vivante. Et il dit, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. Donc, sourate Al-Furqan, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. Donc, qui signifie, il est celui qui a créé, donc, à partir de l'eau, des humains. Et puis, le prophète, c'est un humain, comme c'est dit dans le Coran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Donc, sourate Al-Kahf, qui signifie, dit, je suis un humain comme vous, et qui m'est révélé. Donc, c'est-à-dire, c'est un humain, mais bien sûr, c'est le meilleur humain, la meilleure des créatures, le prophète, alayhi salatu wassalam, mais ça montre que c'est un humain, donc il est descendant du fils de Adam, donc c'est faux de dire que il est créé que sa lumière, c'est la première des créatures, et puis c'est pas une lumière, c'est un humain. Donc, les humains, comme Allah dit dans le Coran, wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara, c'est-à-dire, il a créé des humains à partir de l'eau, donc dans sourate Al-Furqan. Donc, cela montre l'infondé de ceux qui prétendent le contraire de cela. Al-Arsh, donc on revient donc parlant du trône, qui est la première, donc deuxième des créatures, après l'eau. قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم. Donc Allah dit dans le Coran ce qui signifie et il est le Seigneur du trône imminent. Dieu est le Seigneur de toutes choses, mais il mentionne le trône qui est la plus grande qui est le plus grand décor pour indiquer donc en fait son imminence et que le ça veut dire à plus forte raison il est le Seigneur de toutes choses. Comme il dit dans Sourate Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire celui à qui appartient le jour du jugement. Et dans la réalité, Dieu lui appartient aussi ce bas monde. Mais il a cité le jour dernier pour montrer l'imminence de ce jour-là, en fait. وَهُوَ سَرِيرٌ لَهُ أَرْبَعَةُ قَوَائِمَ وَمَكَانُهُ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وهو سقف الجنة منفصل عنها. Donc c'est un lit, c'est une forme de lit pourvu de quatre piliers et il se trouve au-dessus des sept cieux et c'est le toit du paradis et il est séparé du paradis. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش الرحمن. Donc ce qui indique que le trône c'est le toit du paradis, le hadith qui est rapporté par le Bukhari dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le firdaus qui est donc le haut du paradis, le milieu du paradis et le toit. Et son toit, c'est le trône. Le trône qui appartient à Dieu, et toute chose appartient à Dieu. ثم إن حول العرش ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. Donc, par ailleurs, autour du trône, il y a des anges que seul Allah sait leur nombre. Donc, le trône, pour en fait, les anges, c'est comme pour les humains, la Kaaba sur terre. Donc, comme Allah dit dans le Coran, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. C'est-à-dire que les anges entourent le trône et glorifient leur Seigneur. Donc, le trône, c'est la qibla pour les anges, donc dans les cieux. وهو أكبر مخلوقات الله وهو أكبر الأجسام التي خلقها الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة رواه ابن حبان وغيره. Donc, il y a un hadith qui indique l'immensité du trône, donc qui signifie les sept cieux par rapport au coursi ne sont comme, elles sont comme un anneau dans une terre déserte. Et le mérite du trône sur Al-Kursi, c'est comme le mérite de cette terre déserte sur l'anneau, rapporté par Ibn Hibban et autres que lui. Donc ceci montre en fait l'immensité du trône, ça veut dire que les sept cieux par rapport au trône, c'est comme une goutte dans l'océan. Donc déjà les sept cieux par rapport au Kursi, c'est comme un anneau dans une terre déserte. Et le Kursi lui-même par rapport au trône, c'est comme un anneau dans une terre déserte. Donc tout ceci sont des créatures de Dieu, Dieu n'en a pas besoin, et attribuer à Dieu le besoin est de la mécréance. والعرش يحمله أربعة من أعظم الملائكة ويوم القيامة يكونون ثمانية قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سورة الحاقة. Donc, et le trône est porté par quatre anges gigantesques, et au jour dernier, ils seront huit, comme cela est indiqué dans Sourate Al-Haqqah. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Il portera le trône de ton Seigneur ce jour-là, 8. Donc, وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد حملة العرش بأنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع رواه أبو داود. Donc, et le messager les a décrits, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui portent le trône, c'est les anges les plus gigantesques, que entre le lobe de son oreille et jusqu'à son épaule, il y a une distance de 700 ans à vol d'oiseau rapide. Une distance de 700 ans à vol d'oiseau rapide entre le lobe de l'oreille d'un de ces quatre anges jusqu'à son épaule. Et ceci est rapporté par Abu Daoud. Al-hikmatu min khalq al-arshi. Donc la sagesse de la création du trône. يستحيل عقلا أن يكون العرش مقعدا لله فكيف يكون الرب الذي هو خالق للعرش وغيره محمولا على سرير يحمله الملائكة على أكتافهم ولا يصح تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى بجلس لأن الجلوس من صفات البشر والجن والملائكة والدواب بل معنى قول الله تعالى استوى قهر لأن القهر صفة كمال لائق بالله تعالى. Donc la sagesse de la création du trône, donc il est impossible selon la raison que le trône soit un endroit, une localisation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impossible que le Seigneur, qui est le créateur du trône et qui est le créateur d'autre chose, donc il est impossible qu'il soit porté sur un lit porté par des anges sur leurs épaules. Ceci est impossible, est absurde. Et attribuer cela à Dieu est une stupidité et de la mécréance claire et absolue. Il n'y a pas d'excuse donc pour la personne qui a attribué cela à Dieu. Car ceci est contraire à la raison. Celui qui est porté, donc a une forme, une localisation, une quantité, tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui attribue, lui a, de qui l'a spécifié par cela. Et celui qui a besoin d'autre que lui n'est pas Dieu. Donc, la croyance saine et correcte que Dieu existe sans endroit, sans comment. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. On ne dit pas qu'il est partout. Mais nous disons qu'il existe sans endroit, sans comment, et qu'il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Et il n'est pas valable d'expliquer la ayah du Coran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, par s'établir ou s'asseoir. Parce que s'établir et s'asseoir sont des attributs des humains, et des djinns, et des anges, et des animaux. Mais la signification de istawa, c'est dominer. Comme on dit les savants, parce que dominer, al-qahar, est un attribut de perfection digne de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est digne de Allah subhanahu wa ta'ala. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال وهو الواحد القهار. Donc Allah سبحانه وتعالى s'est qualifié lui-même, il dit وهو الواحد القهار, c'est-à-dire il est celui, il est l'unique qui domine toute chose. Donc cela montre que c'est valable interpréter par dominer. فهذا العرش العظيم الذي خلقه الله إظهارا لعظيم قدرته ولم يتخذه مكانا لذاته لأن المكان من صفات الخلق والله سبحانه تنزع عن المكان والزمان. Donc ce trône imminent, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé par manifestation de sa puissance. Et ne s'est pas pris comme endroit pour lui-même, parce que l'endroit est parmi les attributs des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala est exempt, n'est pas attribué de l'endroit, ni il ne dépend pas du temps. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه لا تحويه أي الله الجهات الست كسائر المبتدعات. Donc l'imam al-Tahawi, que Allah l'agré, a dit, il n'est pas contenu par les six directions comme le sont l'ensemble des créatures. وقال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Donc notre maître Ali a dit, certes Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. رواه عنه الإمام أبو منصور البغدادي. Ceci est rapporté par l'imam Abu Mansour al-Baghdadi. فالملائكة الكرام الحافون حول العرش والذين لا يعلم عددهم إلا الله يسبحون الله تعالى ويقدسونه ويزدادون علما بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى عندما يرون هذا العرش العظيم. Donc ainsi les anges qui sont autour du trône et que seul Allah sait leur nombre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et glorifie subhanahu wa ta'ala et font son évocation et il voit la parfaite puissance de Allah subhanahu wa ta'ala quand il voit le trône imminent. Donc bien sûr, attribuer à Dieu l'endroit, la localisation et de la mécréance et la personne qui a attribué cela à Dieu, donc elle doit délaisser cela. Donc, en disant donc les deux témoignages pour délaisser cette mauvaise croyance et pour revenir à l'islam. Donc, la croyance de tous les prophètes du premier Adam au dernier Muhammad, que Dieu existe sans endroit, sans comment, ne dépend pas du temps, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Voilà, nous arrivons donc à la fin du cours d'aujourd'hui. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, si la personne a des remarques, donc elle envoie un mail à l'adresse indiquée. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات